Si, ça, ça, si la synchro marche pas, je peux rien faire. Pas facile à synchroniser aujourd'hui. Ta guitare pour que je t'entende bien. On y va. J'ai raté le départ, putain. Attends. Parce que je vais pas synchroniser. J'essaie de me synchroniser, mais j'ai du mal. Solo après chante. myself to say, I'll leave the one I say, I'll tear the one, and I'll feel overland. When suddenly I'm not the same again, I'll be the one to say, I love all. Tu commences par le solo, après je chante, après tu fais le solo. T'es prêt ? On part sur le 1. Non, t'étais pas prêt. Tu commences, c'est toi qui commences le solo, après je chante. On prend le prochain train. À la guitare, Philippe. Allez, prochain. Tu fais deux tours de solo. C'est sympa.